Regarder demain me fait vivre aujourd'hui. Penser le bien chasse le mal de mes nuits. À jamais positif. Malgré les coups du sort, ne pas vouloir entendre ce que dicte mon corps. Le mal-être serait-il un guide à mes côtés? Une façon facile de tout effacer. Le mal-être serait-il une éventuelle lumière? La raison utile pour briser les barrières. Regarde ces mains qui transpirent la vie. Ne penser à rien chasse le mal établi. À jamais créatif. Malgré la fuite des muses, rire à perdre haleine de ceux qui s'en amusent. Mal-être serait-il sur le point de partir? Un adieu gracile pour enfin en finir. Le mal-être serait-il une éventuelle lumière? La raison utile pour exorciser mes peurs.